Marianne, souhaitez... c'est pour lancer une discussion qui n'aura pas lieu, donc c'est un petit peu... bon. Bon, votre exposé est intéressant et il parle d'une situation sociale très, très importante. En vous écoutant, je me disais, est-ce que dans les nombreuses situations de travail que vous avez, non pas observées, mais dont vous avez entendu parler par entretien, est-ce que c'est systématiquement et de manière comme ça unilatérale, que de la violence, que horrible, que de pire en pire, parce que vous faites quand même un tableau très accablant. Et donc je me demandais s'il n'y avait pas des nuances à apporter selon l'activité qui était faite. J'imagine qu'être cariste ou être puéricultrice ou être caissier ou être dirigeant, c'est pas pareil. Donc est-ce qu'il n'y a pas des nuances à apporter selon l'activité, selon le grade, selon le statut, selon la fonction exercée, hein, donc si vous avez un constat aussi homogène, est-ce qu'on n'aurait pas des nuances à apporter? Et puis, d'autre part, comment est-ce qu'on pourrait penser ça de manière un petit peu plus dialectique, c'est-à-dire face à cette violence, outre les stratégies développées par les personnes sourdes ou malentendantes, dont on peut quand même peut-être espérer que parfois elles fonctionnent un peu mieux que ce que vous avez décrit, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des stratégies d'aménagement de poste, de recours au collectif, hein? Par exemple, il n'y a pas du tout de collectif dans ce que vous nous racontez. On ne sait pas du tout comment les collègues de travail, etc., travaillent ou pas avec cette personne, ou appellent au syndicat. Et finalement, donc la question un peu générique, qui est l'emploi du mot savoir-être. Donc c'était, vous employez un mot que j'appelle indigène, hein, voilà, de la DRH pour parler en tant que sociologue. Moi, ça me dérange toujours un petit peu, mais bon. Et finalement, je me demandais si vous ne faisiez pas pareil en disant tous les sourds sont dans la même situation, désespérés, etc. Et qu'est-ce que ça produit de dire ça, finalement? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose dans cette salle-là qu'on fait dans l'entreprise en disant, ben voilà, c'est tout noir et tout fermé. Alors, ils y répondent quand même. Oui, on peut répondre quand même parce que c'est super frustrant. Ben merci pour cette question parce que justement ça me permet de rebondir sur une question éthique que j'ai pas eu le temps de formuler. C'est que dans cette recherche, on s'est demandé aussi est-ce qu'il faut qu'on en parle? Alors c'est tellement noir, est-ce qu'il faut qu'on en parle? Est-ce qu'on doit dire cette réalité? Et dans quelle mesure ça va pas accentuer encore les choses? Parce que finalement, les RH, enfin, ils vont dire que la solution, finalement, c'est de ne pas embaucher des sourds, puisqu'après, on est les méchants qui les font souffrir. Et en même temps, une fois qu'on... Enfin, on ne peut pas non plus ne pas travailler dessus. Alors, je voulais répondre à votre premier point. Moi, au départ, avant d'être sur cette recherche avec Sylvain, je travaillais sur un dispositif qui améliore les conditions de travail des sourds, qui leur permet de téléphoner. Et donc, j'étais sur des situations. J'ai fait des entretiens, mais j'étais aussi dans les entreprises. Enfin, bref. Et il y a quelque chose qui vraiment s'est imposé à moi. Moi, je suis plutôt sur une dynamique positive, à regarder les choses qui s'entreprennent, les innovations, etc. Il y a vraiment quelque chose qui s'est imposé à moi, cette violence ordinaire, qui ne veut pas dire souffrance. Il y a vraiment une violence ordinaire dans l'expérience des sourds quotidiens au travail. C'est-à-dire cette exclusion régulière d'espace de travail, cette a priori perpétuelle que vous ne pouvez pas, qui s'est joué aussi, ce manque d'accessibilité qui s'est joué aussi dans l'accès aux formations, qui se joue, donc voilà, il y a vraiment une violence ordinaire, et je suis désolée, elle se joue chez un cariste, elle se joue chez un ingénieur, elle se joue chez... C'est un fait vraiment frappant. Maintenant, violence ne veut pas dire souffrance. Et effectivement, là, pour le propos de cette intervention-là, on a fait exprès de pointer en quoi certaines stratégies pouvaient renforcer la violence, mais ça en est 2 sur 5. Et effectivement, donc j'avais pris le soin de, un peu trop rapidement sans doute, de dire que c'était 2 parmi 5 grandes stratégies. Il y en a d'autres qui est de faire avec. Et donc les personnes ont des récits tout à fait positifs de leur expérience professionnelle, tout en étant exclus de beaucoup de choses, parce qu'ils ont réussi à construire des relations de respect avec des collègues. Il y a souvent une personne dans l'entourage qui s'est mise à la langue des signes, qui permet de partager un peu ces mots du groupe, ces rires du groupe, donc que des informations passent, que la communication circule un peu. Mais ce sont des personnes qui vont s'investir dans le milieu associatif, qui vont s'investir dans l'équilibre vie professionnelle et travail, et qui vont refuser des évolutions. Il y a aussi, je vous vois, il y a aussi des récits de réussite. qui montre que ça s'associe à une spectacularisation des initiatives, parce qu'il y a ce problème qui, dans la vie professionnelle des sourds, leur problème, c'est qu'ils sont étiquetés handicap, et que handicap veut dire ne peut pas. Et que par ailleurs, on ne demande pas aux managers de trouver des solutions, on leur demande de faire avec. Donc les poches, les entreprises, où, c'est même pas à l'échelle de l'entreprise, ça va être un secteur, une équipe où ça marche, c'est parce que l'équipe va considérer que c'est un problème collectif, que ça pose problème au collectif, que cette personne ne passe pas, il va y avoir une gestion collective, et pardon, c'est loin si tu voulais.